Le Vendée Globe, c'est un tour du monde à la voile, en solitaire, sans escale. C'est une course très réputée, très médiatisée. Mais si tout le monde connaît le Vendée Globe, ce n'est pas seulement parce que c'est la plus grande et la plus difficile des courses de voile, c'est aussi, surtout, parce que le Vendée Globe raconte les plus belles histoires. Des histoires de sport, d'aventure, des histoires de parcours, de projets, des histoires surtout d'hommes et de femmes. Dans ce podcast, j'ai décidé de vous raconter ces belles histoires, de vous proposer chaque mois une rencontre entre deux skippers et de mettre le cap sur le Vendée Globe 2020. Salut à tous, c'est Alain Roy, skipper du voilier La Fabrique. Manuel Cousin, skipper de l'IMOCA Groupe C1. Je m'appelle Alexis Raison, je suis journaliste et je suis ravi d'être enfin avec Manu et Alan pour le troisième épisode de ce podcast. Et oui, vraiment très content de pouvoir enfin vous présenter cet épisode. Pourquoi ? Eh bien parce que tout simplement, on aurait dû l'enregistrer le mercredi 18 mars, ce podcast, mais c'était sans compter sur le confinement, évidemment, qui a commencé le 17 mars. Mais cette fois, on y est, alors on a réussi à reporter, malheureusement pas encore dans des conditions tout à fait normales. Le déconfinement progressif nous a obligés à nous adapter encore un peu. Donc pour tout vous expliquer, je me trouve au Sable d'Olonne, dans le hangar de Manuel Cousin, qui a la gentillesse de m'accueillir aujourd'hui. Salut Manuel. Bonjour Alexis. Et donc c'était un peu trop compliqué d'espérer vous réunir au même endroit, au même moment, avec toutes les restrictions qu'on connaît. Donc on a un dispositif adapté, intermédiaire on va dire, avec Alan qui est chez lui à Lorient, mais qui est avec nous en vidéo. Salut Alan. Salut à tous. Et on espère évidemment se voir de visu en chair et en os prochainement dès que ce sera possible. Voilà en tout cas le décor de cet épisode 3 est planté. Et alors quelle histoire cet épisode va raconter ? Eh bien une histoire de parcours ou même deux histoires de parcours parce que vous allez le constater. Les deux navigateurs qui sont avec moi aujourd'hui ont bien sûr le point commun de participer au Vendée Globe 2020 à partir du 8 novembre prochain. Mais alors ils ont des parcours très très différents. Je vais commencer par raconter les trajectoires opposées mais toutes les deux fascinantes de Manuel Cousin et Alan Roura, et vous allez comprendre que finalement, tous les chemins de marin mènent au Sable d'Olonne. Alors Manuel d'abord, Alan tu m'en voudras pas, je vais commencer par le local, enfin local pas tout à fait d'ailleurs parce que Manuel est installé en Vendée depuis seulement 3 ans, avant ça il vivait à Rouen puisqu'il est normand d'origine et alors jusqu'en 2017, Manuel travaillait chez Toyota en tant que cadre commercial et 3 ans plus tard à 52 ans, le voilà skipper professionnel à la tête d'un projet Vendée Globe ici au Sable d'Olonne. Donc là, vous commencez sûrement à comprendre où je veux en venir quand je vous parlais de parcours atypique. C'est l'histoire d'un marin qui navigue depuis longtemps, évidemment, mais qui est venu à la course sur le tard. En 2014, pour ses débuts en compétition dans une catégorie inférieure, en classe 40, et en 2017, pour son arrivée dans la classe IMOCA, la catégorie du Vendée Globe. 2017, ce sera vraiment l'année charnière. On aura l'occasion de parler en détail de tout ce qui s'est passé depuis 2017. Mais arrêtons-nous quand même sur l'avant 2017, Manu. Là, Manu, il y a 4 ans, on abordait le Vendée Globe 2016. Alan était en pleine préparation de ce Vendée Globe. Toi, tu faisais quoi à ce moment-là ? Tu étais bien loin de tout ça. Oui, oui, en 2016, j'étais, comme tu l'as dit tout à l'heure, en classe 40. Et j'étais surtout encore au travail chez Toyota. Voilà, je vendais des chariots élévateurs. C'était mon ancien métier en tant que cadre commercial. Mais j'avais déjà un œil, évidemment, sur les IMOCA, puisque avec déjà à l'époque Eric Sétain, mon sponsor, puisqu'il nous suit. J'ai eu la chance d'avoir le groupe Sétain qui me suit depuis 2014. Je suis venu évidemment au départ du Vendée Globe avec Eric Sétain déjà parce qu'on avait une petite idée derrière la tête pour voir ce départ et voir notamment notre futur bateau puisqu'on avait rendez-vous avec Arnaud Boissière. Voilà, on savait que le bateau était à vendre et enfin voilà, l'histoire a commencé à s'écrire vraiment en IMOCA ici. On va avoir l'occasion de développer tous ces chapitres-là. Alan, avant de poser quelques mots également pour présenter ton parcours à toi, je voudrais avoir ton point de vue sur Manu. Alors déjà, toi, je vais le préciser, tu as 27 ans, donc il pourrait quasiment être ton papa. Hein. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour le décrire, le définir ? Bon, Manu, c'est quelqu'un de fantastique. J'ai eu la chance de naviguer avec lui sur une course en Méditerranée et ça a beau être un petit bonhomme en taille, c'est un grand bonhomme sur l'eau et non, moi je suis très content qu'il puisse être là aujourd'hui. Et donc toi, Alan, 27 ans, je le disais, ça fera de toi pour la deuxième fois le plus jeune skipper du Vendée Globe. Pour autant, certainement pas le skipper le moins expérimenté, déjà parce qu'il y a cette expérience du Vendée il y a 4 ans, et surtout parce qu'Alan a quasiment passé plus de temps sur l'eau qu'à terre dans sa vie. Quand il avait 2 ans, ses parents ont décidé de vivre sur un bateau, sur le lac Léman, à Genève, puisqu'Alan est suisse donc. Et quelques années plus tard, ils ont même décidé de partir faire un tour du monde en voilier, qui a duré 11 ans, donc Alan n'est jamais vraiment allé à l'école, il a grandi à travers le monde sur ce bateau. Et à son retour en Europe, à 19 ou 20 ans, je crois, il a décidé de faire du bateau. Il a acheté un mini, un petit bateau de 6,50 m, et il a commencé sa deuxième vie sur l'eau, jusqu'à un premier Vendée Globe, donc terminé à une superbe 12e place en 2017, avec un vieux bateau. Et à l'époque, en plus de la performance, c'est aussi la sympathie d'Alan qu'on avait beaucoup remarqué. Manuel, tu trouves que ça le décrit bien? C'est comme ça que tu vois Alan, toi aussi? Oui, exactement. Et puis, comme l'a dit Alan, on se connaît bien. Je pense que ça apprécie, en tout cas, moi, j'apprécie aussi énormément Alan. On a eu la chance de courir ensemble, notamment un grand prix à Monaco, où j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à ses côtés. Et c'est quelqu'un, on a commencé à se côtoyer un petit peu en classe 40. Et quand je l'ai vu partir sur son Vendée Globe 2016, j'étais impressionné et encore bien plus impressionné à l'arrivée. Franchement, je reprends ces termes. En tout cas, je suis flatté de ce qu'il a dit sur moi. C'est très gentil. Mais c'est un grand bonhomme. Et lui aussi, il mérite grandement, vraiment. D'être ici, et je pense qu'il est apprécié par beaucoup, en tout cas moi je l'apprécie beaucoup aussi. Manu, est-ce que tu peux nous raconter les coulisses de cette course justement à Monaco il y a un peu plus de 2 ans, je crois? Comment ça s'est fait cette réunion sur ton bateau, je crois? Oui, c'est ça, en fait on a eu l'occasion, son bateau était en chantier, il ne pouvait pas naviguer, il y avait ce premier Grand Prix qui avait lieu à Monaco. Moi j'avais pas forcément de co-skipper en vue, et j'ai pensé tout de suite à Alan, parce que je savais que outre en course on se ferait plaisir en course, mais en plus c'est quelqu'un que j'apprécie, donc je savais qu'on se ferait plaisir. Donc je lui ai demandé s'il était partant pour courir avec moi, et je pense que ça s'est fait très, très naturellement. Il a accepté, on a passé vraiment du bon temps là-bas. Et je crois qu'Alan, c'est un vrai marin solitaire, il aime pas trop naviguer à plusieurs, enfin en tout cas en équipage pas du tout. Est-ce que en duo avec Manu, ça allait, Alan? Ça s'est super bien passé, cette navigation, et pourtant on en a bien bavé quand même. Bon, déjà moi j'avais jamais navigué sur son bateau, le jour du départ c'était mon premier bord avec, donc autant dire que déjà c'était pas gagné. Enfin voilà, j'étais pas l'équipier en or, on va dire ça comme ça, mais on s'est bien battu, on s'est super bien entendu, et j'ai fait des belles boulettes sur son bateau aussi, et qui finalement il y a toujours une super ambiance. On a fait une jolie course, on nous enlèvera pas cette course là, et je pense que moi j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir, ça s'est super bien passé, et c'est rare en double. Moi j'ai toujours cette peur en fait de naviguer en double, parce que on navigue beaucoup en solitaire, on a ça dans le sang, et c'est vrai que quand on est avec quelqu'un en plus sur son propre bateau, il faut faire attention, il faut pas faire attention de qui est le maître à bord, qui. Et là c'était super naturel et ça s'est vraiment hyper bien goupillé quoi. Alan, on peut revenir aussi sur ce que je disais il y a quelques instants. Tu peux nous parler en détail de cette enfance passée sur le bateau de tes parents à travers le monde. Quand je parlais de parcours atypique tout à l'heure, on est en plein dedans. Tu as donc vécu de toute ta jeunesse en mer. J'ai eu la chance. Il n'y a pas beaucoup de familles qui osent faire ça aujourd'hui, partir aux quatre coins du monde sur un voilier. C'était une vie fantastique, quoi. Je pense que j'aimerais avoir un jour la chance de pouvoir offrir ça à mes enfants. Ça risque d'être compliqué, hein. C'est faut du temps, faut de l'argent, faut avoir les couilles, hein. Excusez-moi du terme, c'est quand même assez engagé. Et c'est sûr que moi ça m'a ouvert l'esprit sur pas mal de choses. C'est sûr que j'allais pas finir dans un bureau, hein. Ma vie j'allais la faire forcément sur l'eau. N'étant pas un élève très assidu, du fait de jamais avoir mis les pieds à l'école, j'ai navigué un maximum en me disant un jour je tenterai de faire de la course au large. Il n'y a pas besoin de plus que ça, d'études on va dire, pour être coureur, et en fait c'est devenu ma passion en fait, la voile, et tout ça ça m'aide tous les jours passés en mer quoi. Ces années passées en voyage familial sont présents aujourd'hui. Et je voulais aussi revenir sur un épisode dont Manu a parlé dans sa réaction tout à l'heure. Ce Vendée Globe 2016 auquel Alan participait. Alan, t'es un peu la raison du pourquoi Manuel est là aujourd'hui. Parce que donc Manuel a emmené son sponsor de l'époque le 6 novembre 2016 sur le départ du Vendée Globe au Sable d'Olonne pour lui montrer ce que c'était. C'était gagné d'avance, non ? Gagné d'avance, je sais pas, c'est jamais gagné d'avance, mais j'avais mes petites idées et puis je pense que dès l'heure où il a déjà accepté de venir avec moi un week-end pour venir voir le départ et venir visiter le bateau, parce que c'était déjà convenu qu'on allait visiter le bateau d'Arnaud, puisque c'est celui qu'on a racheté. Là, je pense qu'effectivement, dès lors, je commençais à avoir un large sourire qui se dessinait sur mon visage. Mais et après évidemment il a fallu lui vendre le projet, lui amener ce qu'on pouvait faire avec tout ça, mais oui ça, là à partir de ce moment-là c'était déjà très positif, ouais. Parce qu'à ce moment-là, donc hiver 2016-2017, tu travailles encore chez Toyota et tu n'es pas du tout skipper à temps plein. Non, en 2016-2017 je travaillais encore chez Toyota et je n'ai arrêté de travailler qu'en juillet 2017. Pour venir t'installer au Sable d'Olonne. Pour venir m'installer, oui, c'est vraiment en juillet 2017 où, avec ma femme Sandrine, on a pris la décision. De toute façon, je le savais, à partir du moment où je rentrais en IMOCA, il fallait que je sois sur place et que le bateau soit ici, quoi. Alan, tu connaissais l'histoire de Manu de Toyota à Port-Olona ? Quand on se croisait à l'époque, non, pas forcément. Bah, c'est justement à Monaco où on a eu plus l'occasion d'en discuter parce qu'on a passé pas mal de temps ensemble Et oui, en fait, il y a pas mal de marins finalement où on imagine qu'ils sont nés marins, on a tous une vie avant ça en fait. Et c'est vrai que bon là, Manu, c'est quand même un sacré grand écart, mais c'est joli, c'est des belles histoires, et c'est ce qui fait peut-être qui on est aujourd'hui. On est des coureurs au large, ok, mais on reste des, je sais pas, on a des gens qui ont du vécu autre que ce qui se passe sur l'eau, et je pense que c'est une force aujourd'hui. Et Manu, c'est vrai que il avait sa vie d'avant, il navigue certes en course au large depuis pas forcément très très longtemps, mais comme moi finalement, et puis on est là, on est dans le match, et puis on écrit c'est une nouvelle vie, quoi. Aujourd'hui on est passé à autre chose, quoi. Alan, si on revient sur ta découverte à toi de la course, il y a 4 ans, ça s'était fait dans des conditions différentes de cette année, un peu moins confortables on va dire, avec un tout petit projet, un tout petit budget, avec un vieux bateau. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce contexte du Vendée Globe 2016 ? Bah nous, ça s'est fait très tardivement puisque j'ai récupéré le bateau du coup en janvier 2016. Le bateau, on l'a ramené à Lorient, c'était une épave, hein, clairement. Il a fallu remettre ce bateau au point. Ça faisait 7 ans, en gros, qu'il était sur un terre-plein en Estonie sous 2 mètres de neige. Donc il était dans un vraiment sale état. Moi, c'était le bateau que je voulais parce que Super Bigou, c'était le premier bateau de Bernard Stamm. C'était un bateau qui avait énormément d'histoire. Je me voyais pas faire un Vendée Globe avec un autre bateau. La chance que j'ai eue, c'était d'avoir ce bateau-là pour 1 € symbolique. Sauf que de préparer un bateau en aussi peu de temps. Moi, j'avais pas d'équipe au début, donc il a fallu monter une équipe, trouver des sponsors. Donc en fait, on a fini de préparer le bateau. C'était le matin du départ à 5h. Voilà. On a vraiment beaucoup galéré, on a bouclé le budget 2 semaines après le départ. Enfin bref, c'était vraiment une histoire humaine. On était une équipe de bénévoles, on était 4 personnes en tout. On était 4, mais ça c'était les week-ends, parce que la semaine, tout le monde essayait de travailler parce qu'il fallait vivre à côté. Et donc moi, je me mettais à plein temps sur le bateau dans la préparation, quoi. Mais en fait, on n'a pas préparé un Vendée Globe. On a préparé un tour du monde avec un bateau de 60 pieds. Et je pense que c'est ce qui a fait la réussite, entre guillemets, du projet, quoi. C'est pour ça qu'on a réussi à boucler ce tour du monde. C'est que on n'a pas essayé de gratter 100 grammes par-ci, 1 kilo par-là, de faire les voiles plus légères. Non, en fait, on a fait les choses avec le budget le plus petit, parce qu'on n'avait pas plus, et donc des choses solides. Et je trouve que c'est une belle histoire, parce que le Vendée Globe, c'est ça aussi. C'est pas que la course à la victoire. Il y a d'autres belles courses dans cette grande course. Et d'ailleurs, je crois que tu as souvent eu dans ta jeune carrière des projets un peu artisanaux, un peu bricolés comme ça, avec peu de moyens, que ce soit en mini, en classe 40. J'ai entendu parler d'une histoire qui symbolise pas mal tout ça. C'est apparemment tu dormais dans ta Twingo à Douarnenez à une époque pour préparer ton bateau un peu clandestinement. C'est quoi cette histoire? Ouais, j'ai jamais eu de thune en fait jusqu'à après le Vendée Globe pour clairement avoir un joli projet. Donc j'ai acheté mon bateau, c'était une épave le mini qui traînait à Douarnenez. Je l'ai refait entièrement et ma bagnole, enfin la voiture du projet quoi, c'était une Twingo de 93, donc autant dire c'était pas une fourgonnette quoi. Et j'y vivais entre ma Twingo et mon bateau quoi. Et on a eu pas mal de retard en fait sur la Mini Transat en 2013. J'avais plus de sous et il me manquait un point d'énergie pour le bateau quoi. J'avais un panneau solaire et en gros c'est tout ce que j'avais. Et donc j'ai vendu ma Twingo sur le parking 3 jours avant le départ pour m'acheter une pile à combustible. Voilà. Enfin c'était le projet a démarré comme ça quoi. Et en fait je me suis dit plus jamais j'en ferai ça et chaque projet, chaque année ça a été la même quoi. C'est-à-dire que quand j'ai récupéré le 60 pieds Super Bigou, j'avais même pas de quoi payer la place de port. Et à cette époque-là j'avais une moto, une 125, une vieille Honda et je l'ai vendue pareil sur le parking de la base des sous-marins à Lorient, 400 balles pour payer le premier mois de la place de port quoi. Et là je me suis dit waouh, ça va être long le Vendée, ça va être compliqué quoi. Et comme quoi quand on veut on peut, il faut juste rien lâcher quoi. Et Manu, c'est aussi à ça qu'on voit qu'Alan est un bon skipper, parce que c'est même avec des petits projets, des vieux bateaux, avec peu d'argent, il arrive toujours à faire des perfs sportives sur le Vendée Globe 2016, 12e place dans des conditions difficiles avec un vieux bateau, on l'a dit, un bateau qui a cassé en plus au milieu de la course. C'est à ça qu'on voit aussi un vrai bon marin. Ouais, bien sûr. Vraiment, c'est vraiment ça en fait. Alan, c'est un super marin. Et effectivement, pour faire un tour du monde, je pense que ce qui est important, c'est qu'il faut être un peu, il faut te débrouiller au maximum, quoi. Il faut être un peu MacGyver, quoi, pour ceux qui se rappellent encore de ce feuilleton qui commence à dater un peu. Mais c'est vraiment ça. Alors il y a peut-être plusieurs écoles. Effectivement, il y a ceux qui ont joué la gagne, où là, c'est sûrement un peu différent. Mais pour les plus petites équipes derrière, ça compte beaucoup, quoi. Le fait d'être de chercher des solutions à moindre coût. Puis Alan a lâché le mot, rien lâcher, il faut rien lâcher. C'est comme dans tout hein, finalement, c'est une école de vie quoi. Il faut rien lâcher, c'est le dépassement de soi. Mais qu'est-ce que c'est bon quand on y arrive. Et de toute façon finir un Vendée Globe à quelques places que ce soit, je pense que c'est toujours une super performance. Enfin, moi je le vis comme ça, en tout cas pour moi. Alan, j'imagine quand même que l'objectif, c'est d'aller chercher un top 10 peut-être, même si c'est pas forcément quantifié. J'imagine que l'idée, c'est de faire mieux que la dernière fois, d'autant que on va le détailler, mais t'as un projet bien plus structuré qu'il y a 4 ans. Donc c'est normal d'avoir un peu plus d'ambition. L'objectif de ce Vendée Globe, c'est 80 jours. Voilà, c'est ce que je me dis sur le papier. Je pense que mon bateau, il en est capable, et à moi, du coup, derrière, de faire la différence. Mais voilà, le tour du monde en 80 jours. Tu pourrais presque en écrire un livre à ton retour en plus. Je suis sûr que ça marcherait. Ce nouveau bateau, justement, t'as fait une belle 7e place sur la route du Rhum en 2018. T'as battu le record de la traversée de l'Atlantique Nord en solitaire l'été dernier, en 7 jours et un peu moins de 17 heures. C'est un bateau que t'as complètement retapé, reformaté. Ouais, c'est un bateau, il est de la même génération que celui de Manu. Et nous, on s'est dit qu'on allait ajouter des foils sur ce bateau-là, changer le plan de voilure, changer plein de choses pour le rendre plus performant, et du coup avoir un bateau pas cher mais qui puisse jouer avec les... À la base c'était pour jouer avec les foilers de 2015, donc de la génération du dernier Vendée Globe. Et puis en fait au fur et à mesure des années on se rend compte qu'il y a encore des modifications, mais on rechange sans forcément dépenser de l'argent, parce que c'est ça aussi le cercle vicieux dans ce milieu, c'est que on peut changer l'ensemble du bateau, mais l'idée c'est on se fixe un budget annuel et dans cette enveloppe là il faut que le bateau soit de plus en plus performant, et c'est ce qu'on a fait. Et voilà, le bateau aujourd'hui c'est pas le plus léger, c'est pas le plus rapide, mais par contre c'est un bateau qui sur le papier aujourd'hui il finit le Vendée Globe sans grosses avaries. C'est un bateau qui peut vraiment tirer son épingle du jeu dans le Grand Sud quoi. tu l'as dit, tu fais partie de ceux qui sont attachés à leur bateau, qui ont une relation particulière avec, avec leur bateau. C'était vraiment le cas il y a 4 ans avec, avec Super Bigou. Est-ce que c'est encore le cas cette année? Alors, je suis très attaché à mon bateau, mais je ne lui apporte pas le même attachement que, qu'avec Super Bigou. J'ai appris à grandir aussi avec ça. Tous mes bateaux, ça a toujours été un peu ma deuxième femme. Voilà. Et en fait... il y a aussi peut-être le fait d'avoir un petit peu plus de budget, une sécurité, où quand on casse une pièce, on peut se permettre de la changer. Ce qui n'était pas le cas avant. Du coup, peut-être que je me cachais derrière le fait de dire que j'adorais mon bateau et que je n'osais pas lui tirer dedans. Mais en fait, c'est peut-être plus une question financière qu'autre chose. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, je peux me permettre de tirer un peu plus dans le bateau, de jouer, de faire des erreurs, d'apprendre du coup un peu plus. C'est peut-être aussi parce que tu t'es marié entre-temps, donc c'est un peu compliqué d'avoir une deuxième femme aussi. Ouais, Aurélien, ça aide pas non plus. Je confirme. Manuel, on a expliqué tout à l'heure que Éric Sétain avait été quelqu'un qui a beaucoup compté pour toi dans, dans ton parcours. On a aussi parlé d'un, d'un autre bonhomme qui a beaucoup compté pour toi, c'est Arnaud Boissière. Arnaud Boissière, c'est quelqu'un qui va participer à son quatrième Vendée Globe en novembre. C'est un personnage bien bien connu des pontons, qui est basé ici, lui aussi, au Sable d'Olonne. Et en fait, il t'a en quelque sorte mis le pied à l'étrier, la main à la barre, on va dire. C'est un peu le parrain de tes débuts en, de coureur au large en Imoca. Et votre histoire naît dès 2014, avec, autour de la route du Rhum. Il y a déjà un début d'histoire à ce moment-là. Oui, c'est ça. En fait, à l'époque, en 2014... je rachète un Classe 40 avec l'espoir de faire la route du Rhum. Mais malheureusement, 2014, début 2014, je trouve pas, j'ai pas encore de budget. Budget est trop court pour faire la route du Rhum. Donc, le bateau est dans le port des Sables. Et je prends, mais comme ça m'est quasiment, enfin, très rarement arrivé, on prend quelques jours avec, avec ma femme pour aller en vacances en Espagne. Et de là, je reçois un petit SMS. D'un certain Arnaud Boissière sur mon portable. Donc on remonte très vite, on le rencontre au Sable et tout de suite l'affinité naît. Après, c'est pas bien dur avec Arnaud parce que c'est quand même quelqu'un qui est quand on s'entend pas avec Arnaud, c'est qu'il y a, je pense, il y a un souci. Donc très vite on s'entend, on va passer quelques jours naviguer ensemble. Il est OK pour louer le bateau et de là, en fait, on fait une sorte de pacte d'amitié naissante en disant il me dit tu me files un petit coup de main pour préparer le bateau et puis moi j'ai mon hangar et si après tu veux utiliser le hangar je prête le hangar, on se donne un petit coup de main mutuellement. On a préparé ce bateau avec peu de moyens parce qu'à l'époque il avait perdu son sponsor Imoca, donc il avait pas beaucoup de moyens non plus, mais il a pu prendre le départ de cette route du Rhum 2014. Ça l'a relancé, je pense. Et puis, nous, ça a mis le début d'une bonne amitié. Après, on s'est forcément croisés, on s'est revus, Et ce qui fait que moi, j'ai pu, après, une fois qu'il a retrouvé un bon sponsor, naviguer sur l'Imoca, qui deviendra finalement mon Imoca sur lequel j'ai la chance de naviguer aujourd'hui. C'était dealé avant le départ du Vendée Globe 2016-2017 que potentiellement tu pouvais récupérer son bateau après. Alors on en avait parlé, mais avant de faire venir Éric Sétain, sur le Vendée, on n'avait rien acté. Hein, on en avait parlé comme ça. Potentiellement, ça lui plaisait. L'histoire, elle revient à la Transat Jacques Vabre en 2015, où on est sorti avec une télévision locale en Normandie. En off, le journaliste me pose cette question. Il me dit : et après la Jacques Vabre, ce serait quoi ? C'est le Vendée Globe prochain. Et Éric là-dessus me regarde et il me dit « Qu'est-ce que t'en penses, Manu, du Vendée Globe ?» Ah, je dis « Le Vendée Globe, c'est juste le Graal quoi, pour un navigateur, pour un coureur au large. C'est juste incroyable, c'est juste le Graal. » Et il me dit « Écoute, je te propose, on garde ça dans un coin de notre tête et on en reparle plus tard. » Et c'en est resté là, vraiment. Et on se retrouve au Sable le week-end du 6 novembre. Exactement, et on se retrouve le week-end du 6 novembre, le départ, avec les yeux qui brillent pour tout le monde. Et puis au retour, c'est la belle histoire. Donc, tu as racheté le bateau d'Arnaud Boissière. Tu as pris avec lui le préparateur du bateau. Tu l'as gardé avec toi, Guillaume Le Fur. C'est ça. Tu as fait la Transat Jacques Vabre 2017 en binôme avec Arnaud. Donc là, tu as mis toutes les chances de ton côté pour bien appréhender ce nouveau bateau. C'est ça, j'ai racheté un package en fait. J'ai pris le... Non, mais c'était la meilleure façon. C'est vrai que faire la Jacques Vabre avec Arnaud sur l'Imoca, j'ai appris à vitesse grand V. Il venait de faire le Vendée Globe avec, il le connaissait sur le bout des doigts, on se connaissait bien, on savait qu'on s'appréciait, on a passé déjà une quinzaine de jours fabuleuses, parce que pour ceux qui connaissent Arnaud, c'est quelqu'un d'hyper agréable à côtoyer, et en navigation ça a juste été top. Et puis moi j'ai appris énormément sur le bateau. Ce qui était dealé entre guillemets, c'est qu'arrivé au Brésil, on rachetait le bateau, on a fait la remise de chèque. Alors bien sûr, tout ça c'était prévu avant, mais on a fait la remise de chèque là-bas, et puis moi je suis rentré avec mon équipe qui est venue me rejoindre là-bas. On est rentré seul avec le bateau, sans Arnaud à bord, parce qu'on trouvait tous les deux intéressant que ça devienne vraiment mon bateau, c'est-à-dire que j'en devienne le skipper attitré, même s'il était déjà acheté, mais au moins voilà, c'était moi qui prenais les décisions à partir de ce moment. Et puis après voilà, on a rentré le bateau sous hangar pour le remettre à ses nouvelles couleurs, et depuis c'est une... Voilà, c'est écrit comme ça. J'ai eu l'occasion de parler de toi avec Arnaud il y a quelques temps. Les deux choses que j'ai retenues, c'est gentillesse et volonté hors du commun. Moi, je serais tenté de valider ça, mais est-ce que Alan valide aussi ces deux traits de caractère-là ? Oh bah complètement. Oui, il y en a plein d'autres. En fait, avec Manu, et c'est pas pour jeter des fleurs, mais pour trouver quelque chose de négatif, faut chercher. Faut vraiment chercher. Non, mais autant il y a des skippers, ok. Manu, faut. Donc, ouais, non, mais c'est gentillesse, c'est humble, sourire, joie, c'est acharné, quoi. Et on est tous très acharnés pour en être là. Mais Manu, il a quelque chose en plus. Il a. Je sais pas. C'est différent, Manu. Trop gentil, Alan. Je t'aime. Hein. Alan, je me souviens qu'en 2016, avant le départ, je t'avais parlé de 2020 et tu m'avais dit que tu pensais d'abord à boucler ton premier Vendée Globe. Est-ce que là, tu penses déjà à 2024 ou est-ce que je vais me faire bâcher de la même manière ? Je crois que là, tu penses quand même un peu plus au Vendée Globe de 2024 qu'il y a 4 ans à celui-ci. On change, hein. Il faut changer dans la vie. Et oui. En fait, aujourd'hui, j'ai un super bateau, j'ai un super projet, j'ai une équipe en or. Enfin, j'ai pas du tout à me plaindre. Mais en fait, bien sûr qu'après ce Vendée Globe-là, j'aimerais évoluer pour la simple et bonne raison que j'ai envie de partir sur une course que j'aurais déjà faite, c'est sûr. Mais. Pour me dire, oui, là, j'y vais avec la prétention de pouvoir faire une belle performance, quoi. C'est vrai que là, aujourd'hui, je me dis que il faut que j'y retourne, quoi. Je suis pas encore parti que, on a déjà les budgets qui sont montés et que, tout ce qui s'est passé cette année, ça complique un peu la recherche de fonds pour la suite. Mais voilà, on travaille dessus et j'espère pouvoir être un prétendant potentiel par la suite, quoi. Bon, c'est noté. On s'en souviendra. Et puis en 2016, je me souviens aussi qu'on avait fait un plateau télé ensemble chez les amis de TV Vendée qu'on salue. Il y avait aussi Jean-Pierre Dick qui était là et je vous avais beaucoup parlé du côté transmission entre un skipper qui a déjà fait un Vendée Globe, qui a cette expérience-là, et un bisu, comme on dit, que tu étais à l'époque. Précisément, je vous avais demandé à tous les deux, c'est quoi un Vendée Globe ? Et toi, tu m'avais répondu, je peux pas vous dire pour l'instant, je ne l'ai pas encore fait. Maintenant que tu l'as fait, est-ce que tu peux enfin me répondre, c'est quoi pour toi un Vendée Globe ? Et surtout, est-ce que tu peux en parler avec Manuel qui lui va le découvrir ? Le Vendée Globe, c'est la chose la plus incroyable qu'un marin peut vivre. Après, donner des conseils, je peux pas donner des conseils sur un Vendée Globe. Je disais tout à l'heure, j'ai fait plusieurs fois les mêmes courses, j'ai jamais vécu la même. Et je pense que le Vendée Globe est tellement long, on rencontre des systèmes météo à chaque fois différents, des bateaux différents, on est dans une forme physique ou morale différente aussi, et je peux pas donner de conseils de comment prévoir ou comment on fait un Vendée Globe. Il y a pas de règles, tout peut arriver. L'important, c'est de connaître son bateau. Il faut être stable moralement. voilà, j'ai pas de conseils à donner à Manu, quoi. J'en ai autant que lui, il peut m'en donner aussi. Et c'est ça qui fait la magie de cette course, c'est que on est tous au même pied d'égalité et on part sur une feuille blanche et on écrit notre histoire sur le Vendée Globe. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Alors peut-être que Manu a quand même des questions à poser. On en parlait tout à l'heure avant l'enregistrement que c'était quand même important d'aller chercher du ressenti chez certains qui connaissent. C'est quoi en fait les inquiétudes? C'est les maires du Sud, ou alors c'est des choses très pratiques? L'inquiétude, s'il y en a, c'est l'inconnu et c'est forcément les maires du Sud. Je pense que tout marin. Mais en même temps, je pense qu'en y repartant, Alan, je pense que c'est aussi la période sur laquelle l'appréhension sur laquelle elle est plus marquée, c'est forcément les mers du Sud, pour plein de raisons. C'est pas des endroits où on a l'habitude d'aller naviguer, c'est quand même là où il y a les plus gros coups de vent, les plus grosses tempêtes, enfin voilà. C'est là-dessus que s'il y a une appréhension, elle est. Donc c'est ça. Et puis c'est gérer le temps aussi, parce que bah, c'est 3 mois de mer, donc ça, Alan l'a vécu. Mais je crois qu'il a raison en disant, parce que j'en ai aussi parlé à d'autres marins, une course fait pas l'autre, donc selon la forme du moment, selon l'état mental, selon ce qui nous arrive aussi, parce qu'il y a les petits coups de chance, les petits coups de malchance, l'aspect météo, enfin que sais-je, il y a tellement de choses qui peuvent varier, et finalement c'est un peu ce qu'on va chercher. Si tout était écrit d'avance, honnêtement, je pense qu'on serait vraiment pas, enfin on n'aurait pas envie d'y aller, et ce qu'on va chercher c'est aussi ça, c'est aussi voilà, de chercher, aller voir l'inconnu, quoi. Un peu une sorte de découvreur, finalement. Voilà, on reste des découvreurs un peu, quoi. Alan, les mers du Sud, c'est pas qu'une appréhension, c'est aussi un plaisir pour vous, j'imagine. Bah, si je retourne sur le Vendée aujourd'hui, c'est juste pour les mers du Sud, hein. La Jacques Vabre, finalement, elle nous fait faire déjà un bon bout du parcours du Vendée Globe. Et généralement, quand on arrive le long du Brésil, bah, ça y est, on commence à glisser vers le Sud pour aller chercher ces météos difficiles. Et ouais, en fait, bah, là, je me rappellerai toujours de cette première dépression dans le Sud. Je me suis dit, mais ça va être comme ça tous les jours, là, parce que il y a un moment donné, ça va pas le faire, les gars. Moi, je vais pas tenir. Et en fait, l'être humain, il est assez hallucinant. C'est que ce jour-là, j'ai fait dans mon froc, quoi. Je pense que, voilà, je me suis retrouvé un enfant qu'on pose sur un optimiste pour la première fois. Il y a 10 nœuds de vent et ça gîte et ça bouge. On sait pas comment faire. Et chaque dépression, en fait, c'est de plus en plus simple. Et à l'approche du Cap Horn, je me prends 60 nœuds et je rigole parce qu'en fait, on s'est tellement habitué, on est dans un rythme qui est tellement... on est sur une autre planète, quoi. Et pour moi, le Vendée Globe, c'est ça. Et le Vendée Globe, c'est le Sud, voilà. Et tous ces marins, au début, je me disais, mais pourquoi ? Enfin, en terminant le Vendée Globe, je me suis dit, mais ils sont cons ou... Faut pas faire ça, enfin... je sais pas, ouvrez un centre ou d'équestre, faites du poney, de la piscine, mais arrêtez de vouloir, faut être stupide, quoi. Et ben non, on y retourne à chaque fois, quoi. Et Manu, bah bonne chance parce que c'est ton premier, mais t'es mal barré. Un peu rassuré quand même parce que dit Alan. Ça fait presque envie. Oui, mais ça fait envie. Hein. Je parlais d'appréhension, il en a parlé aussi. Il y a forcément de l'appréhension chez tous, mais il y a surtout une excitation, là, une envie. S'il n'y avait que de l'appréhension, on n'irait pas. Enfin, je pense qu'on est quand même pas maso. Je le dis souvent. Il y a des moments où on en bave, mais c'est surtout un plaisir monstrueux. Quand on est compétiteur, déjà, on prend plaisir. Ça peut paraître bizarre de dire ça, mais on prend plaisir à se faire mal. En tout cas, je fais d'autres compétitions. Je n'ai pas fait que de la voile, je fais du cyclisme, etc. Et des fois, on se fait vraiment mal, mais on prend un certain plaisir à ça. Mais surtout, c'est que moi, j'ai vraiment envie d'aller voir ce que racontent les copains. J'ai envie de voir de mes propres yeux. Donc vraiment, je comprends complètement ce que dit Alan, quoi. Alan, tu seras le plus jeune skipper du plateau du Vendée Globe cette année, à 27 ans. En 2016, c'était carrément le plus jeune de l'histoire du Vendée Globe, à 23 ans. Je te pose pas la question à toi, parce que je sais que t'en as un peu ras-le-bol de répondre à cette question, mais Manuel, ça t'inspire quoi, toi, à 27 ans, de faire déjà son deuxième tour du monde en course? Et tu faisais quoi, toi, à 27 ans ? Je faisais quoi à 27 ans ? Je faisais déjà du bateau, je faisais déjà de la compétition, mais il est clair que je n'étais pas professionnel de la voile. Non, je trouve ça génial, mais en même temps, quand on écoute son parcours, forcément, après, on a des parcours différents, mais c'est c'est pas que j'en aurais pas rêvé à l'époque, mais voilà, les choix de vie ont été différents et puis les opportunités aussi. Et faire ça si jeune, bon là, 27 ans, il a un peu plus de bouteilles maintenant. Il l'a déjà fait une fois. Il gère son équipe depuis au moins 4 ans. Voilà. Mais la première fois, c'était franchement fort. Mais depuis, il a largement prouvé qu'il avait et le niveau d'être chef d'entreprise et le niveau d'être un super marin. Il a battu le record de l'Atlantique, il a fait plein de choses. Donc la question se pose même plus. Et moi, je ne le regarde pas comme un genou, je le regarde d'une part comme un copain, comme un camarade de jeu, pour quelqu'un, comme il a dit tout à l'heure, on s'apprécie énormément, mais surtout comme un rival terrible. Mais non, c'est un grand, grand marin et avec énormément d'expérience pour son âge, c'est clair. On va continuer à remonter un peu le temps. Manuel, à quel moment tu as commencé peut-être à t'imaginer, je ne parle pas des années récentes, hein, mais peut-être par le passé, à quel moment tu as commencé à rêver du Vendée Globe ? Peut-être un jour tu ferais le Vendée Globe ? Depuis tout jeune, moi j'ai commencé la voile comme beaucoup, hein, dans un optimiste, avec un oncle qui était moniteur de voile, avec mes cousins, cousines en vacances. Et de là, on a commencé à aller voir tous les départs de course avec mes parents, la route du Rhum, toutes ces courses mythiques à l'époque où il y avait encore les Tabarly, Cola, etc. Donc j'avais déjà les yeux qui brillaient à ce niveau-là. Et je trouvais ça incroyable de voir partir des femmes et des hommes sur des bateaux, traverser l'Atlantique. Quand on est môme, quand on les voit, c'est quelque chose qui m'a frappé. Et je crois que dès ce moment-là, j'en ai eu envie. Alors Vendée Globe, dans mes jeunes années, n'était pas encore là, mais j'en ai toujours rêvé. Et aujourd'hui, j'ai la chance de finalement de vivre ce rêve. C'est juste incroyable. Je vis une vie aujourd'hui magnifique. Je vis de mon rêve. Et je pense que c'est une grande chance. Alors, j'aime pas le mot chance, hein, je dis souvent, mais c'est un privilège de faire ce qu'on fait. Et ça, je l'oublie pas. Alan, on a parlé de ton enfance tout à l'heure, passée à travers le monde sur ce bateau. Est-ce que à l'époque, le Vendée Globe, ça représentait quand même quelque chose pour toi, ou bien pas du tout? T'étais complètement, t'étais loin de tout ça. Ah non, ça m'a toujours, excité, parce que forcément, quand on est en train de voyager dans les quatre coins du monde, bon, on voit des bateaux, on voit aussi des arrivées de course au large, on voit tout ça. Et en fait, ça s'est fait au fur et à mesure, comme ça, où du coup, dans la foulée, il y avait le Vendée Globe, le fameux 2000. Et c'est vrai que moi, j'étais à fond Ellen MacArthur, quoi, parce que c'était cette petite nénette, haute comme trois pommes, et puis qui menait ce gros bateau, quoi. Moi, à l'époque, j'étais un mioche, quoi. Pour moi, c'était c'est incroyable, quoi. Et je me suis dit, mais... c'est impossible. Comment moi j'avais les images de Kersauzon de l'époque, de tous ces marins un peu bourrus, et cette petite anglaise qui arrive et qui fait peur à tout le monde, quoi. Et c'était une histoire magique, et je me suis dit il y a des belles histoires à écrire, et le Vendée Globe, j'aimerais en faire partie un jour, quoi. C'était clair dans ma tête, c'était je fais ça pour continuer, quoi. Je veux atteindre mon but, peu importe le temps que ça prendra, mais il faut que j'arrive à faire un Vendée Globe, quoi. C'était obligatoire pour moi. Tout pouvait s'arrêter après 2016. J'aurais fait tout ce dont j'avais rêvé en course au large. Mais il y a 2020, il y aura 2024 probablement. Tu sens, tu sais peut-être même que le Vendée Globe va continuer à rythmer ta vie peut-être encore longtemps. Tu peux battre le record de participation en commençant à 23 ans. Ouais, mais non, enfin... Personne ne pourra faire mieux que toi. En fait, je suis ouvert à beaucoup de choses. Je chercherai pas le Vendée Globe toute ma vie. Changer de vie à un moment donné, oui, pourquoi pas, quoi. Complètement, ouais. Je réfléchis aussi peut-être à monter un chantier naval à côté, essayer de trouver comment faire, d'avoir une sécurité, en fait. La plupart des gens me disent, oui, mais Alan, t'es jeune, t'as plein de choses devant toi. Ah oui, c'est sûr, hein, et j'ai pas dit que j'arrêtais demain. Mais en fait, c'est dur de vivre année après année. C'est-à-dire que chaque nouveau projet, on se pose la question, est-ce qu'on va trouver de l'argent ? Est-ce que aujourd'hui, on est avec Manu, on est responsable d'une équipe, on est chef d'entreprise, et c'est dur d'avoir des gens qui sont un père de famille dans notre équipe et qui demandent, l'année prochaine, on fait quoi ? Aujourd'hui, on fait rien. Et je trouve que c'est inhumain. Et à un moment donné, bah, notre métier, il est dur. Et le plus simple, finalement, c'est ce qu'on fait, c'est la navigation. Mais tout ce qu'il y a autour, ouais, c'est lourd. C'est très lourd à porter. Et je pense que je ne serais pas capable de tenir encore 15 ans comme ça. Bon, peut-être que je changerais mon mode de fonctionnement aussi. Mais ouais, c'est très lourd. Manuel, je ne t'ai pas posé la question. Comment tu vois la suite? Est-ce que tu penses déjà, toi, 2024? Oui, il faut y penser pour préparer l'avenir. Si tout va bien, j'aurai la chance d'être de nouveau là en 2024. Après, c'est tellement loin, ça fait ces 4 ans, voilà. Mais pour l'instant, c'est focus sur 2020. J'aime beaucoup aller de l'avant. Il faut y aller. On en parle hein, clairement. On en discute beaucoup avec l'équipe, avec Monsieur Sétain, etc. Mais j'ai l'habitude de dire ça vient de chez Sétain. Il ne faut pas se tromper d'objectif. Notre objectif aujourd'hui, c'est le Vendée Globe 2020, c'est de le terminer, c'est de raconter une belle histoire, de se faire plaisir si possible et de faire plaisir à tous les gens qu'on emmène avec nous, parce qu'on emmène énormément de gens avec nous, la famille, les proches, l'équipe, le sponsor. Donc évidemment que j'ai envie de continuer le plus longtemps possible pour que cette magnifique histoire continue. Mais voilà, focus sur 2020 et puis après, on fera ce qu'il faut pour aller le plus loin possible et continuer à écrire de beaux moments comme ça, quoi. Pour finir, on a parlé pendant 40 minutes de vos deux parcours, de vos deux jolis parcours, très différents l'un de l'autre. Si c'était à refaire ce chemin qui mène jusqu'au 8 novembre prochain, est-ce que vous le referiez exactement comme ça, Alan ? Bah oui, je pense que si on est là aujourd'hui avec nos sourires pour raconter tout ça, c'est oui, on a, enfin, dans notre projet, on a fait des erreurs, on a fait des trucs bien, des trucs moins bien, mais on est là, on a un joli bateau, on a une super équipe, une très bonne ambiance et faut pas changer tout ça, quoi. Moi, je suis très content du chemin parcouru et je regrette rien. Je pense que c'est ça le plus important aujourd'hui, c'est que on fait des contre-performances, on fait des erreurs de choix techniques ou quoi, mais voilà, on est là, on tient debout et je regrette pas du tout depuis le début de ce projet tout ce qu'on a fait et même si ça s'arrête demain, on sera allé bien plus loin que ce que j'aurais imaginé il y a quelques années, quoi. Manuel, si c'était à refaire aussi ce chemin qui va mener à la concrétisation de ce premier rêve cet hiver, on referait de la même manière? Oui, écoute, même chose, c'est je regrette absolument rien. Après, on peut toujours améliorer les petites choses ou te dire avec des si on referait le monde. J'ai toujours été un amoureux du sport, quel qu'il soit, un amoureux de la mer et des bateaux. Aujourd'hui, j'ai réussi à se faire rejoindre les deux pour vivre cette incroyable aventure. C'est plus d'inquiétude que quand on est finalement un employé d'une grosse société, comme j'ai pu l'être pendant plusieurs années, mais c'est d'autres tracas, mais finalement c'est tellement tellement tellement de bonheur, donc moi je le vis avec ça, je pense que ça se voit quand je suis sur le ponton sur mon bateau où j'ai toujours un sourire incroyable parce que je comme je kiffe ce que je fais aujourd'hui. Voilà, j'adore ce que je vis, donc sur le ponton, voilà. Au bateau et quand on enregistre des podcasts, ça fait plaisir. Merci beaucoup Manuel, merci beaucoup Alan. Merci Alexis, merci beaucoup Alan. Ben merci à vous, c'était bien sympa et comme quoi on a fait des trucs pas mal, hein, même confinés. Hein. Et je vous souhaite évidemment bon vent pour ce Vendée Globe qui partira le 8 novembre prochain des Sables d'Olonne. Merci à tous les deux pour cette discussion autour de vos parcours. Je crois qu'on a réussi à raconter une troisième belle histoire de Vendée Globe dans ce podcast. J'espère qu'elle vous a plu. Vous qui écoutez cet épisode, n'hésitez surtout pas à partager et à liker, à mettre des étoiles et des commentaires, à diffuser ça sur vos réseaux sociaux. Et si c'est le premier épisode que vous écoutez, je vous encourage à rattraper les deux premiers. On parle du couple Samantha Davies, Romain Athanasio et des femmes navigatrices avec Alexia Barrier et Clarisse Kremer. Tous ces podcasts sont accessibles sur toutes les plateformes d'écoute, notamment Apple, Google, Spotify et Deezer. Vous pouvez aussi retrouver CapVG sur Twitter, c'est là qu'il y a toutes les infos Vendée Globe au quotidien et ça permet de rester en contact d'ici le prochain épisode. Un grand merci pour votre fidélité et vos messages d'encouragement qui font toujours très plaisir. Et bien évidemment, je ne vais pas terminer cet épisode sans quelques remerciements. D'abord pour celles qui ont été d'une aide très précieuse pour l'organisation de cette rencontre depuis plusieurs mois déjà. Merci à Sandrine Roque et tout le team Groupe Sétain qui m'accueillait ici aujourd'hui. Merci à Aurélia Moureau qui a aussi permis l'enregistrement d'Alan à distance et puis à la réalisation de ce podcast. Toujours la même équipe fidèle, Louis Chabin et Mathieu Viguier du studio Cude. Je vous donne rendez-vous maintenant dans quelques semaines pour un quatrième épisode, une quatrième belle rencontre avec des skippers du Vendée Globe. À très vite.